100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, 100% rap français, juste après Difool. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag La Nocturne, ça arrive direct dans le studio. Ce soir, beaucoup de nouveautés, évidemment. Il y aura un nouveau son de Kerry James qu'on pourra écouter tout à l'heure. Et puis, on va saluer la prestation cette semaine de Jazzy Bass qui est passé avec son album P-Town, qui est dans les bacs. Album de Jazzy Bass, on va débuter d'ailleurs avec le morceau qui s'appelle P-Town. On restera d'ailleurs dans l'ambiance un petit peu avec Jazzy Bass et les gars de l'entourage. Il y aura notamment du FG à écouter. Celui qui a retourné le Zénith de Paris, et puis même d'ailleurs tous les Zéniths de France, Nekfeu, on l'écoutera dans un instant. Celui qui a retourné Bercy aussi ce soir, Maître Gims, on l'écoutera aux côtés de la Crime. Bref, grosse nocturne, pareil, coup d'envoi de cette nocturne maintenant. Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. Avec Jazzy Bass, l'invité de Planète Rap, entre 20h et 21h. Bienvenue dans P-Town, où les nuits sont agitées pour ceux qui vagabondent. La ville est un océan où les vagabondes. Bienvenue dans P-Town, je vadrouille dans Paris depuis que je suis mort. Veux nous attraper dans la nuit, c'est ce que la mort veut. Bienvenue dans P-Town, parmi les noctambules, je me débrouille à mer. Veille mais pendant qu'on déambule, inquiète nos mères, veille. Bienvenue dans P-Town, c'est l'amour que je prône, pas votre hypocrite tolérance. Dans ma 3-14 zone où j'ai connu tolérance. Bienvenue dans P-Town. Ici on ne chiale qu'à cause des gaz lacrymogènes. Le soir les crimes gênent, les gens souffrent, je n'inculque pas le crime aux jeunes. C'est beau les méga, étoffer mes rap et bécoter des femmes dont j'ai ôté les sapes, affectionner les charmes de la vie. Même si elle, je ne peux que la prendre avec ses hauts et ses bas. Bienvenue dans P-Town. Laissez-moi me détruire. J'suis désingué par les nuits blanches qui se succèdent. Bienvenue dans P-Town, où le diable se rapproche afin de nous courtiser. Faible face aux tentations, tous les soirs je courtisais. Bienvenue dans P-Town, où le cauchemar peut commencer par un licenciement. Combien rêve de pioncer sur des licenciements. Bienvenue dans P-Town. Je vois les gens se massacrer, j'ai du respect pour celui qui défendra la paix. Même si t'es prêt à tout comme un ventre affamé, car quiconque part à la guerre rentre à l'armée. Quand je serai mal, je masquerai ma blessure. Je n'accepterai pas d'excuses, toujours avec les mêmes partenaires d'amertume. Là où Yannick Noah ne marcherait pas pieds nus. Dans Ripa, Mex, Mouvet, Castagneur sont destinés à ce qu'on veuille les mettre en cage. La flicaille, c'est comme les voix graveurs. Pour exister, il leur faut du matraquage. Mes chauvards sont malhonnêtes, car ils veulent le sang, croyez le fric. Le moral dans les chaussettes, car il aime côtoyer le shit. Bienvenue dans P-Town, où l'on justifie l'injustice d'un air condescendant. Parfois j'aimerais voir des bouches de condescendants. Bienvenue dans P-Town, mais c'est l'amour que je prône, pas la tolérance. Dans ma 3-14 zone où j'ai connu tolérance. Bienvenue dans P-Town. C'est un navire désinqué par les nuits blanches qui se succèdent. Tous les soirs j'écris jusqu'au bout de la nuit. Je suis à bout de nerfs, mais je ne demande plus d'aide. Laissez-moi me détruire, ça n'a pas d'importance. Faut que je laisse une trace de mon existence. Laissez-moi me détruire. Je suis désingué par les nuits blanches qui se succèdent. Certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Tout

Des paras sincères, sponsor par la SACEM. C'est du peur insincère, les paras sincères dans les parages SACEM. Teste pas mes rôles, on ne fait pas le héros. Des chances de gagner, t'en as 37 fois 0. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On vise le 10 fois 10 fois 10. Écoute comment le double PGR. Les rimes BCBG, c'est TNT comme les chiens. Ouais, on est les chefs. Tais-toi quand l'équipe se déchire et te monte en l'air comme une échelle. Tire, je ne rate pas la cible. Je parle euro. Y'a trop de parasites. Je m'en fous, je les regarde de haut. Même quand je leur parle ainsi. À la radio, y'a que du déchet leur. Mauvais goût me donne envie de pégère. Je suis un peu, c'est dans mes chairs. C'est dans tes chairs. Mon équipe veut les rhum steak, les côtelettes. La vie rapide avant les obsèques. Okay. Si à ce que j'ai dit, ça glisse comme au bobsleigh. J'suis un maître depuis la suite. Mon seul projet, c'est être mon propre chef. Je visualise les brochettes de mon top chef. Mon propre jet dans ma vie, la Suisse. Fuck l'échec, j'végète. Mes rap très chers s'éjectent. J'les jette comme des fléchettes. Dans le mille. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. Les rivaux pensent, merci mille fois qu'ils soient pistes. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On vise le 10 fois 10 fois 10. Ils font la course pour nous ouvrir. Quand nous sommes. Ouais, on fait les sommes. On mange du saumon. Et quoi qu'il se passe. Je gagne, tu perds comme Big Country. Je me frappe tout confort. Côte de bœuf, Côte d'Azur, on boit du Côte de Provence. 36 me masse, puis me caresse. Reste de côté comme celui qui filme le match. Je suis comme Jim Carrey quand il enfile le masque. Depuis l'hélicoptère, on a une pure vue. J'oublie pas mon cocktail. Et j'atterris dans le turfu. Pour vous faire fermer vos chattes de clochard. On va au charbon, y'a F. Et flingue aussi, impossible qu'elle résiste au char. Vous contre nous, c'est Franck Leboeuf contre Augustine Cochard. Ton équipe Belvedere. On est sous Belvedere, sur le Belvedere. J'oubliais très tôt, en classe. J'oubliais mes mots en classe. On n'a pas trop à vivre. Sois vif si tu vois vite. Combien 10 fois 10 fois 10. Les rivaux pensent, merci mille fois qu'ils soient pisse. On vise le 10 fois 10 fois 10. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On tire dans le 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10. On vise le 10 fois 10 fois 10. La Nocturne, lui aussi a retourné Bercy. Maître Gims qu'on retrouve aux côtés de la Crime. Grosse dédicace à la Crime et une grosse pensée à la Crime. Voici Petit Jaloux. Il est minuit, à ma montre, de son tour, comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelle la Crime, que j'avais tout niqué. Toutes les balles sont dans les barrières. Elle mouille de la chatte et veut se marier. Si tu veux acheter, on a tout ce qu'il faut. Tu fais du détail, pourquoi tu fais le gros? Le son par l'antenne. Y'a R, y'a R. Tout le club à l'envers. C'est la guerre, la guerre. Enfant moi, souffre le son. Enfant moi. C'est qu'on est les meilleurs. C'est leur corps déter. J'ai fait des mitrailleurs. On fait des love. A pu savoir où les mettre. On est tous un peu comme Pablo. On est tous mecs d'un CD. Ton CD. J'suis dans la boîte. Sans plein de bouteilles. Sa mère l'oseille. On se tue pour elle. J'regarde le ciel. Complètement bourré. C'est un du match. J'ai des lits sur le sel. Prends pas le monde. Souffre le son. Comme les bouteilles. C'est le jour de l'an, c'est le jour de l'an. Mon ref en dépense, on fait coller le sang. Coller le sang, coller le sang. Tous les yeux sur nous, mais pourquoi des jaloux? Hey hop, hey hop. Numéro 1 avec qui tu veux jouer? Hey hop, hey hop. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. On parie de liquider pour de grosses sommes. Billets écrits n'est plus appel, fruit de la passion. Négro vont la m'attaquer, Wallet sous mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, maintenant je suis plus marqué. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les bouchons. Moi je suis seul dans mon couloir. Check Dalsem, je sais check Dalsem. Comparez pas les matisels, les mots capricènes. C'est fini de passer pour retrouver le silence. Les gens vous m'appellent, j'ai répondu présent. Quand j'ai perdu personne, j'ai les couilles en ciment. Libérer nos poteaux, ça fait déjà longtemps. Ouais, ça fait déjà longtemps. Tu t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo, mollo, car les jaloux s'inquiètent. Hey, fils, fais les choses bien. Avant de rapporter 6, fais l'effet d'un extinct. J'y vais mollo, mollo. Et moi, j'y vais mollo, mollo. Tremblez mes mollo, mollo. J'y vais mollo, mollo. La concu est dans le rétro. Les potes m'ont dit qu'à vous pas. J'y vais mollo, mollo. Et moi, j'y vais mollo, mollo. Tremblez mes mollo, mollo. J'y vais mollo, mollo. La concu est dans le rétro. Les potes m'ont dit qu'à vous pas. J'y vais mollo, mollo. Entrez dans le rap game, un petit geste technique. Je m'en mêle pas les pinceaux, j'suis pas assez artistique. Apprendre à participer sans l'instru acoustique. J'représente Panam, 19 frères titiers. Reste tranquille, colonel la bargue et Varache. Première place dans la chevaux, c'est ce que je percé. Trop éclair pas comme une personne sans percer. Pas une vie de merde dans une cité décidée. Corriger mes fautes comme un dicté, la son du RAP. Je me suis injecté, turbo injection. Rando en pression, entier carapace de jeune masse de coups de pression. 750 taquets, cristal de paquet. Je répète d'être piqué, même trop mis ma braqué. Des juges j'ai claqué, ok j'ai gâté. C'est même des déserts, hein, mais je serais bien les appeler. J'y vais mollo, mollo, et moi j'y vais mollo, mollo. Tremblez mes mollo, mollo, j'y vais mollo, mollo. La conduite est dans le rétro. Ma petite, elle est mimi cool. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur lui s'arrête. A chaque fois qu'elle danse, mon cœur dit ça. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. Ma petite oh, ma petite, j'ai dit ma petite oh, ma petite. MHD aussi, au trap 6. Son de la fouine qui se prépare. Jarod, PNL. 100%. 100%. Planète rap. Et là, c'est monsieur Kerry James dans la nocturne 100% rap français. Ni devant les médias, ni devant le proc, ni devant les keufs, ni devant Skyrock, ni devant le banquier, ni devant les profs. Je suis resté entier, je n'ai pas baissé mon froc. J'ai brisé les portes à la force de mon talent. J'ai fait rentrer tous mes potes dans le salon. J'ai connu l'odeur de la rue en inhalant. J'ai connu la dureté du front en y allant. Tu parles de qui? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que t'es trop petit ou est-ce que je te regarde du sommet? Je t'entends parler de crimes que tu commets. Je t'ai jamais croisé dans la rue quand j'y sonnais. J'écoute ces rappeurs s'inventer des vies. Ils ne verront jamais la moitié de ce que je vis. Ne feront jamais la moitié de ce que je vis. Ne prendront jamais tous les risques que j'ai pris. J'ai toujours plus de talent que ils reconnaissent quand ils parlent entre eux. Sans ma fierté, je serais plus riche que. Sans mon honnêteté, je serais plus vite que. Fierté, courage, honneur, noblesse. Voilà ce que souhaitent tous mes dotes. Parole donnée, égale promesse. Les vrais bonhommes s'y reconnaissent. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Je fais des classiques, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Pique comme une abeille, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Ni devant le dollar, ni devant l'ennemi, ni devant le pouvoir, ni devant le FMI. Jamais je ne renierai mes convictions. J'ai plus de fierté que je n'ai d'ambition. Mes fils de rentier, mes fils de bourgeois, pur mec de cité, des termes et courtois. Faudrait une balle pour m'envoyer au tapis. Je suis né noir, je vois la vie en kaki. Le succès après, les miens d'abord. Ils reconnaîtront ce que j'ai fait à ma mort. On marque ce monde en fonction de son IS. Ils font des discours, je fais la CES. Comme Coluche ou Balavoine, en hélicoptère ou en bécane. J'irai jusqu'au chaos, je suis prêt à rester sur le carreau. Comme on dit chez moi, je suis paro. Je rends les coups, je ne sers pas de paro. Je partirai les pieds devant, ils voudront cracher sur ma tombe comme Boris. 20 ans de carrière, je n'ai jamais reçu de victoire de la musique. J'en ai rien à faire, je peux remplir Bercy parce que j'ai un public. Je viens de la rue, pour rentrer en guerre, j'attends pas que le gong sonne. Qu'est-ce que t'as cru? Le combat continue jusqu'à Parkinson. Je sais d'où je viens, pour qui je me bats. Pro-palestinien, comme Mandela, je lâche rien. Comme nous, mon pas, je garde la tête haute, donc je prends des coups bas. Fierté, courage, honneur, noblesse, voilà ce que souhaite toute meuf, d'hôtesse. Parole donnée, égale promesse, les vrais guerrières s'y reconnaissent. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Je fais des classiques, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Pique comme une abeille, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être sonné. Sonné, sonné, sonné, sonné. Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber. Tomber, tomber, tomber, hein. Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner. Jamais, jamais, non. Jamais. Je lâcherai rien même si tu me vois tituber. Mais soudain je réplique, comme la veille je l'éplique. Sous mes gants j'ai des briques, chaque coup les rendre amnésique. Je t'explique, je fais pas ça pour le fric, je fais pas ça pour le chiffre. Respire, je fais du rap athlétique, authentique comme ce groupe à trois lettres. La République ne digère pas ma lettre, ils préfèrent fermer les yeux sur nos manettes. C'est toujours les mêmes, je ris aux manettes. Corps diplomatique, trafic, manette. Pendant que les nôtres s'entretuent pour des barrettes. Strass, paillettes, stress, palette. Pauvre digne contre bourgeois malhonnête. Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être soigné. Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber. Tomber. Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner. Jamais. Je lâcherai rien même si tu me vois tituber. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Ouais, Medellin, bien ou quoi? Dis-moi la prod que tu m'as envoyé hier soir. J'ai écrit un petit truc vite fait en deux minutes dessus. On teste ça? Vas-y, balance le beat, on va voir ce que ça donne. À pied, mais ont pris des ailes. J'ai fait des sous, ouais, j'ai fait de l'oseille. Abracadabra, ouais. Un jean palmer remplace mon jean diesel. Balance un grec, harissa, maillot sans oignon. Que je le dégomme dans mon nouveau turbo S. Toute option. Ils ont tous fait de la merde. Ils veulent tous faire de la trappe. Suis-je le gardien de mon frère? Comme Kevin, tu passes à la trappe. La vengeance se mange froid, non, c'est que t'as chaud derrière ton ordi. Bande devant Chicago avec ta glace à l'eau, ouais mon petit. Les types pour quitter la street, te bicrave de la blanche, de la marron. J'ai levé mon majeur en l'air, j'parle pas d'adulte dans un avion. Nouveau monde, sixième album, frérot, j'ai pas le temps de pioncer. J'rentre chez Hermès, Givenchy, y'a pas de fair play financier. Sors un scud, on fait une cohète. Marche sur le succès, mon Darry Cohen. Tu veux chialer, tiens mon épaule. On piétine après l'heure du tour. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, faut les laisser. Ils veulent tous faire de la trappe, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis né. Moi je suis né, moi je suis né. Ouais frérot, je crois qu'on va laisser ça comme ça. Pas besoin d'autres couplets. Je t'ai dit, c'est trop facile ce bordel. Dis-moi la prod que t'as fait ce matin, ro. Allez, fais voir ce que ça donne. Coupe celle-là, mélode. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Un petit peu de détente, nouveau PNL dans la nocturne. 100% rap français. Oh.

Si la route tourne mal, j'espère m'en sortir. Ils ont commis tant de failles, ils sont bons qu'à nous mentir. J'ai peur de faire tous ces allers pour rien, mon frère. On s'estime par nos dettes, et tu connais le truc. Jarro des buildings dans la nocturne. Wormsty, ça arrive à MG. Wesh, c'est comment? WT, WT, hey. Reitos, B-O-B-O-C-H. J'ai plus d'influence que le maire de ma ville. Dans les manigances, paye-moi pour 10 heures pile. T'es juste une balance dans ta putain de ville. Fais pas trop le fou ou direction la ville. De rien ne va, j'suis dans l'alpha. On fait des pertes, c'est des aléas. J'veux la villa, le cash du Barça. Même si t'as pas de couilles, c'est la Asia. Y'a pas de chef, que des candidats. C'est des acteurs, que du cinéma. Ils aiment la coke, font les Elvira. J'veux pas ta nature si tu payes pas. J'ai bien les dans une main et dans l'autre j'ai le guidon. Y'a dans les commentaires, salope, que t'es bon. J'vais tellement te niquer ta mère, t'auras plus de connexion. J'préfère être un pour créer la corruption. J'accélère, j'crée la pollution. Les bifetons, les métaux, c'est mon addiction. J'suis pas la frère, l'ami, sans automutilation. Si j'faisais pas le bois, j'aurais jamais parlé de litron. Si t'es la fille, j'suis la chef. J'te regarde pas pour te faire chier. Si les keufs te découvrent, tu vas pas finir en quai. Y'a que la rue qui peut me ressembler. Remonte un convoi. Stup, stup, stup. Même pendant qu'on dort, on te voit. J'suis dans la rue et j'ai pas eu le choix. J'ai la haine, ils ont pété Alpha. Si t'es la fille, j'suis la chef. J'te regarde pas pour te faire chier. Si les keufs te découvrent, tu vas pas finir en quai. Y'a que la rue qui peut me ressembler. Avant d'être auditionné. Elle a le fait. Elle a le fait. Double FT. B-O-B-O-C-H. Ray. J'en ai plus d'un. J'en ai plus d'un. Libéral Alpha. Retos. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. 3 dents pures. SKY. Lélé gang. Je marche seul, pétard, on est. pas de liberté. Faut que je fasse des ronds, combien pour coup je retarde des foncés. Tout un cap, les petits se détruisent, tout le monde s'en fout. Frère, vite à mon quartier, Lélé y arrivera sans vous. Et je vois le crasse pas couler douce. À l'époque, on les aurait shootés. On se fait la guerre, c'était pour du flouze. Dans cette merde, beaucoup sont tombés. On m'a dit, mais ça ira mieux. Mais j'en ai plus rien à foutre. On m'a dit, mais ça ira mieux. Mais j'en ai plus rien à foutre. Ma ville, ma rue, mon coin, mes frères, pour eux, je fais la guerre. Cousin, j'ai vu leur fin, leur nom sur pierre, un cimetière. La haine, j'allume un joint, rajoute whisky dans. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Il y avait un artiste qui s'appelait Sky de Belgique à l'instant sur le label Squad Empire. Sky du quartier Molenbeek. Et là c'est Niro dans la nocturne, c'est 100% rap français. Je reviens de loin, j'ai galéré à sa mère. Y'avait que de la violence et de la haine au sommaire. Aujourd'hui je prends large, loin d'à deux mers. Vodka Pelouka, villa en bord de mer. Une claque, claque, donne-moi vite la clé. On meurt de la guerre quand on vide la paix. 50 appels en absence, j'ai pas envie de rapper. Je vois ce qui marche et puis envie de rapper. On s'élève, on tombe, on se relève comme on peut. Quand on commet des fautailles, solidaires sont mes papes, tous mes renois, mes rebeux. Faut que le communautise. J'ai gagné, j'ai perdu, pire que ça. Je pensais qu'à faire du griffle. Le sang, précurseur trop vif, trop ça. Ces grands suceurs de vite le savent. J'me vide la tête, quand j'vide la tête, y'allez ferme tes fesses. Prochaine mixtape, j'vise la tête. On te fait ta fête, un qui se la pète. Ces petits tapettes, ils font les gangsters, j'quitte la fesse. Futur millionnaire, ça débite la cesse. Y'a que dans tes putains de rêves qu'on galope. Sale grande salope, allez vide la caisse. J'arrive, j'parle pas, flot de barbare où j'habite. Pas de fils à papa, il m'invite. Derrière, il parle mal à chaque fille. J'mets un gilet pare-balles. J'ai tapé des barres sur ton flot, pire que moyen âge. Comme d'hab, on fait des rabats, j'ai v'là les rages. Depuis le départ, que des rafales dans le rap, je parle. Le climat est marécageux. Tu veux ma peau, tu parles beaucoup. Tu faisais un chill. Moi, tu faisais un chill. Moi, tu faisais un chill. Ouais, mais tu me parles de gros chill. Moi, j'crois que t'as fumé trop chill. T'as fumé trop cheap. Ouais. Les pauvres se moquent des pauvres comme si leur mère avait baisé en cheap. Avait baisé en cheap. Les pauvres se moquent des pauvres comme si leur mère avait baisé en cheap. Baisé en cheap. Un mal dominant. Un mal dominant. Moi je suis un mal dominant. Dans la jeune, j'suis un mal dominant. N.I.R.O. Mal dominant. Les pauvres se moquent des pauvres. Les pauvres se moquent des pauvres. Les pauvres se moquent des pauvres. Les pauvres se moquent des pauvres. Les pauvres se moquent des pauvres. Comme si leur grand-mère avait baisé un tir. Une spéciale, spéciale, spéciale. Quartier de France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, France, se moquent des pauvres comme si leur grand-mère avait baisé en tube. C'est l'artiste dans la nocturne. Envoie la prod, que je m'éclate avec tous mes potes, ceux qui traînent mes patins. On est comme Paris, un 15 la côte. Ne nous compare pas à toutes ces cadins. Purple Money, tu nous connais. J'suis venu dans ce biz, auto-tuné. Le but c'est de finir fortuné. J'étais déjà mort quand toi t'es né. On est en train de vivre, on grandit plus. Y'a des sous à faire, faut que tu m'en dises plus. Tous les jours on joue à la roulette russe. Tous les soirs on se tue à la buvette russe. Wesh la famille, c'est comme moi. Moi j'fais les sons, toi tu commentes. On a fait du sale inconsciemment. On va te mettre à l'amende si tu crois que tu commandes. Oui j'ai charbonné, charbonné. Charbonné, j'ai voulu ma part. Tellement en avance que j'ai cru prendre du retard. Oui, j'ai charbonné, charbonné. Charbonné, charbonné. Sans le charbonné, charbonné. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Purple Money, on arrive pour les blessés. On arrive pour les blessés. Le médecin légiste a constaté le décès. J'crois que le toubib a dit que t'étais mort. 80 de trait, tu nous connais. Chaud comme les virages milanais. Fort comme turc et albanais. Par les plus fraîches, ovationnées. C'est moi qui fais l'oseille. C'est moi qui fais l'oseille. C'est pas l'oseille qui me fait. J'ai connu la misère, tu sais. J'marchais pire. Je sais ce que c'est. J'ai dépensé, dépensé sans compter. Charbonné, éviter la santé. Je me présente, mesdames, l'artiste enchanté. Qu'aurais-je fait si je n'avais pas chanté? Je serais rentré sans sonner. Perruque, lunettes sur le nez. J'aurais sûrement déconné. Personne pour me raisonner. Oui, j'ai charbonné, charbonné. Charbonné, j'ai voulu ma part. Tellement en avance que j'ai cru prendre du retard. Oui, j'ai charbonné, charbonné. Charbonné, charbonné. Sans le charbonné, charbonné. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Ciao amigo, ciao amigo, ciao amigo. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Un croco. Voilà. Hey. Hey. Mes locaux, mes locaux. Ouais. Un croco. Un croco. Ouais. Charlie Delta Commando. Et commando, commando. Charlie Delta Commando. Et commando, commando. Charlie Delta Commando. Et commando, commando. Charlie Delta Commando. Maman m'a donné le sang, les grands frères m'ont donné le pain. Ta boucave t'a donné le tien, je vais t'allumer pour que tu t'éteignes. La victime nous a reconnus devant la vie d'engin. C'est qui cassait des mâchoires à l'arrêt rue d'Antin. M'a reconnu dans la rue, le charreau et beau gosse, t'es rentré d'attudé. Ton pilon n'est pas de la peufra, ça sent le caca depuis que j'ai frité. Arrête de parler de cité, si t'as pas de pécule on s'en fout de quitter. Le type négro est respecté, j'casse la démarche dans la cité. Chaque est un enfant de putain. Chirac a racheté mon terrain. Les rebuts ont compris le truc hein. Rachid a acheté un R1. Qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a. Est-ce qu'il s'est placé un middle? Couche-toi enfoiré. Qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a. Qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a, qu'est-ce y'a. Rap ou l'argent le liquide. J'suis là le truc. Ouais. Numéro 1 j'fais la rue. J'suis là le truc. Oui. Mamie tapine. On va faire la guerre comme fait le PKK. Si je veux de la baie, je vais au FKK. Je fais le tour de ma ville, Igo, je suis en FK4. 400 italiens, je suis dans le truc. J'ai de la bouche dans le fut. Le combi il sert, ta mère la pute. Qui veut me baiser ma répute? Qui veut du job, nous on recrute. Qui veut du job, nous on recrute. Je ne tolère pas les langues de pute. Je ne tolère pas les langues de pute. Ces bolos, bolos sont déjà fini, fini. Depuis que ton maître chien, j'ai visé la tête. Elle dit les bolos, maman, maman, naïo. Jamais nous oublierons la traite. Elle a mal au rein quand je la démonte. Quand je la monte en l'air, je ne calcule pas le reste. Je suis dans le fond du mec, je ressens mes démons. Si je t'allume, mon frère, t'auras la côte au rêve. 3, 5, 4, 3, 2, ma kékette. Le frère de Tchéba frotte la bavette. Oh oh, je dois faire des pépettes. Je veux pas finir devant la cafette. Je suis dans le truc, je suis dans le check. 2016, y'a plus de caca. Chez nous, c'est pas la tête. Je te répète, chez nous, c'est pas la tête. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Bully man, 9 Cozy. Torso. Tell me on the track. 9-3. Cozy, Niama. 9-2. Bang, bang. Chip Norris, le dernier de dinosaures. Dino Map. Abitu Gangsta. Gianni Sasa. Check fou. On ramène les Libanga dans le rap français, ma gueule. Mais qui a dit qu'un Congolais pesait son froc ici? Glock chargé, Glock chargé, bouteille de Jack, le Billy. Glock chargé, le premier qui bouge, on va lui allumer sa remet. Tu parles beaucoup, t'assumes pas, imbécile, viens que je te casse le nez. Après la pluie, viens le beau temps, je crois bien qu'il est l'heure de mon succès. Toi tu veux être ma Halel, t'as mes tours comme Nolwenn. Je fais la fête Numba, même si c'est pas Noël. La City, ça galère, ça pipi, ça soulève des haltères. Un coup de feu, tu retrouves des mecs à terre. Gamos rempli de fumée, les budgets, les mbis, la nous piste. T'as big grave de 3 poches, t'en veux, et tu te prends pour un grossiste. Imbécile. Le peur c'était mieux avant, c'est ce que diront les puristes. Bang, bang. Pour percer, aller de l'avant, ton MC suçait des pénis. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te copier ta masse, signe à ma si tu causes trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant non gamo, j't'ai maté ma soco. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Copé ta masse, signe à ma si tu poses trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant mon gamo, j't'ai madé ma soco. Oui, oui, oui, j'viens de Paris. Cagoulé comme les fracoles. C'est de la frappe ou de la soumise. J'aime quand ta femme, quand elle est soumise. Rafale en camise, ils demandent si j'suis avec Caris. Ils ont les chiffres pour un plus carif. Faut les mignons, mais dégage, on cacarise. Mon père joue à Wara, mon cœur est plus sombre qu'un Jawara. Vite un dé qui sort du garage, je veux pas d'angoisse avec une peur de warage. Jack Fumara, le leader comme Timon et Pumba. Nyama Ndumba, je vais sortir les calages comme les Farouk Ndumbia. Lequel est tu distingues, tu portes jeune que tout tu distingues. Je crache un moulard au magistrat, t'es en fin de carrière comme Lionel le Jospin. On parle dans la tombe, je suis dans le prochain attenda. Je fais un 8 du 9, 3, les gangs de Chicago, les ailes d'Atlanta. Tu la masses sur Twitter, elle me mate en tant qu'idole. Si t'esquives le percute, tu vas grailler le middle. Je m'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te couper ta masse, signe à ma si tu poses trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant non gamo, j't'ai mandé ma soco. Prends mon snap, bobo, va FK ma soupe pas pour faire des chéchés. Mon négro fait belek à ta chérie, car elle m'envoie ses gros ma belle en selfie. Préliminaire sans modération, ton rappeur préféré est gay, se branle sur mes sons. Quatre son coup de feu sur les feux du monde, et les histoires qu'elle souffre beaucoup comme les descendants. B.O.L.E. Nyama, Shida, Ra, Libolo, Yama, Manabino. J'compte des mecs qui t'allument pour un regard. Bestie et ceux si tu tombes sur la camo. C'est pas sans featuring c'est des bata. Baiser le rap c'est trop facile, je mets des coups de rein. Bêta, je me suis débarrassé ton gava, car dans les descentes ce bâtard ne valait rien. La bagarre n'existe plus, tire-toi au premier bruit du clac. Seven Bex et Baltimore, séquestration dans le 14 Black. Libéré One Shot, bande de John Joe, on vient sur votre AD, on se pose et on prend tout. Quand mon gars Astro, je pense qu'à faire des gars, si Maluka suce ses kékettes en moi. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Moi je suis petit et je suis costaud. Toco péta m'assassine, yama si tu costaud. Toco péta m'assassine, yama si tu costaud. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'me pas vendre en gamme, moi j'te ma des masoko. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Toco péta m'assassine, yama si tu costaud. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. Mais pas avant ton gars, moi j't'ai mandé ma soco. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Certains te tirent vers le haut, d'autres te tirent dans les pattes. Si tu parles dans ta barbe, je vais tout dire dans mes raps. Ils veulent me voir en bas des battes, faut que je me place en haut des charts. Si j'ai les chevilles qui enflent, je vais investir dans les Nike. Tu me trouves sale quand je gratte, mais j'ai fait pire dans les caves. Leur fils achète notre cana, on baise leur fils sur leur cana. Yeah. Sans calage, révolté comme un canac. Si je reprends le mic, carton rap sonne faux comme des faf. Ça pue la merde, tu sens rien. Normal, t'as trop de poudre dans les maris. Tu tournes en rang et moi je tourne dans ma berline. J'ai pas de pièces en poche, donc je peux pas jouer ma vie à pile ou face. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. Oh oh, oh oh. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. Oh oh, oh oh. Pas de bluff, ref, mec, j'pose carte sur la table. Je boxe avec les mots, je te fracture l'arcade. Sueur et larmes, je laisse des flaques sur l'asphalte. Dis à ton GPS, il manque mon blaze sur la carte. Mon rap pue la cave, mais je capture toute la gloire. Dis à cette tasse, je lui fais le coup de la panne. Malgré les jaloux, jaloux, bave dans le dos. Je suis le bad sans le perfecto. Le rap c'est comme la bouffe de ma mère, Joe Frigo. Je suis de retour avec une dalle de loup, pas de dents de lait. Vous avez la corde au cou, ils crient tous, pendez-les. J'ai pas de pièces en poche, donc je peux pas jouer ma vie à pile ou face. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. Oh oh, oh oh. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. J'ai marché dans la merde, moi j'ai marché dans la merde. Oh oh. RCFA dans la nocturne, 100% rap français. Jazzy Bass qui était notre invité cette semaine entre 20 et 21, on va l'écouter avec le roseau. Il y aura aussi le son d'In Burbigo dans un instant. Rap français. Du prestige de ton maître ou de la perfection de ton style. faut œuvrer dans l'ombre pour arriver à ses fins. Ta réputation est sans tache. Provoquer la discorde n'est pas digne de ton rang. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour autoproduire un missile. J'ai consolidé ma morphologie linguistique. J'use mes cordes vocales. Sur la prod hologramme, l'aucune défaite au tableau. Une puissance colossale. Je veux rattraper le temps perdu sans courir à ma perte. Je ne me tempère plus, le flow sera une putain d'averse. Je me suis endurci dans le nord-est de la ville. Comme un putain de building construit avec de l'archile. C'est à une vitesse inférieure que ton corps se forge. Moi je veux de la richesse intérieure dans un coffre-fort. Avec mes affranchis on se rend service. On nous donne pas de garantie donc on prend des risques. La langue est riche, face à elle on agit comme devant le pactole. On n'attend pas qu'on nous la donne, on prend la parole. Gars je ferai carrière, s'il y a des rages je vais leur rappeler la règle. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la merde, bouffon. Kijazi Bass est-il un mec attaché à l'éthique et au travail d'équipe. Acharné, je me caractérise tel un casanier ravagé, souvent tracassé, qui se moque de la mode quand la mode est à la bêtise. Dis-moi qui monte l'exemple. Le monde est affligeant, corrompu comme le Vatican. Truc est comme le 11 septembre. C'est par l'apocalypse mais le présent est lugubre. Je suis tellement loin, je suis nostalgique du futur. Du rap, je suis venu livrer le corps. Je me faisais discret comme celui qui veut rentrer dans le livre des records. Sur ma clique, ils ont d'horribles stéréotypes. Pourtant, elle est composée de profils hétéroclites. C'est la Bosnie-Herzégovine quand je démolis les néophytes. On a proscrit les égoïstes lors de sorties de cérémonie. On est trop vite des terroristes à leurs yeux, comme des pratiquants syriens. En arrivant si loin, on est des gars qui s'en tirent bien. Les regrets d'un trafiquant qui craint le châtiment divin, mais qui, comme Paris en Ligue 1, facilement se distingue. Dans ce monde où la raison recule, j'aimerais éclairer les consciences, mais je suis qu'un rayon de lune. Quand je sens le danger, je fais le saut de l'ange. Me dire qu'il est temps de changer, c'est comme me parler dans une autre langue. On se reposera quand on aura fait beaucoup d'argent, comme Eurostar en faisant tout passer sous la manche. On a des multitudes d'idées, mais on s'invente des jobs sur nos curriculum vitae. Je maîtrise le flow et maîtrise le sens. Mec, c'est en rimant que je dis ce que je pense. Je me sens vivant quand le beat se lance. Même si tu pisses le sang, tu achètes des fans, mais aucun de tes disques se vendent. Je les mets tous en soins intensifs. Je vise personne, désolé si j'ai touché un point sensible. Si les anciens ne laissent pas les plus jeunes prendre leur place, comment notre art pourra-t-il se renouveler? Il nous faut prendre une nouvelle direction. Je suis décidé à agir. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour autoproduire un missile. J'ai consolidé ma morphologie linguistique. J'use mes cordes vocales. Sur la prod hologramme, l'aucune défaite au tableau. Une puissance colossale, yo. Planète rap, 100% rap français. Blackbird, Quatner, Just Music, Malug. Ma famille se demande va-t-il finir pour se sagir. Ce freestyle à ma guise était pris par la magie. Ma fine équipe écrit des rimes et trimtard à Paris. Loin du bif des Qataris, c'est la vie qu'on a choisi. Monsieur Lubiz, on voulait voir le menu vite. On est devenus des idoles, on n'est pas devenus riches. J'ai des potes pissant guenilles qui placent des quenelles. D'autres qui peuvent encaisser 2000 tous les deux mails. Entre les deux, je cherche ma place. Je serai pas de ceux qui perdent la face. Je serai pas non plus de ceux qui perdent leur froc. Et je continue de creuser comme un chercheur. D'or, je ne sais pas ce que je cherche, mais je le cherche encore. Continue d'écrire quand tout le check s'endort. Vêtements de sport et assiettes sans port. Il me reste du raid, ma faut qu'on reste en forme. La prestation est inhumaine, toute la salle est unanime. Galas dans les prunelles, regard braqué sur ma cible. J'suis pressé, j'ai plus le temps pour la détente. Ça me ferait chier de leur laisser percer ma défense. Ils me prennent 10, j'veux prendre 40. Même leur putain de menace me semble marrante. Leurs avis de bouca, je m'en balance. J'fais deux pas en arrière, j'ai deux temps d'avance. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les molaires. Alcool et weed mais on n'a pas de poudre. 3 grammes dans le sang, 3 dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne ne regrettera de l'avoir attendu. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne ne regrettera de l'avoir attendu. Je me balade, connais pas la peur, c'est ça le rappeur, je les baise. Et leur manager me respecte. L'industrie a cru que c'était les soldes, ils veulent que je fasse comme les autres types, que je gagne 10% sur mon propre disque. Leurs idées sont comme si elles étaient sorties du fion. Le rap c'est français, le bordel qui se fout de la prostitution. Tu croyais que t'étais bon, ce n'était qu'une grosse illusion. Ferme ta gueule et pose ton cul, viens, je profite du son. J'ai dû traverser un tas de drames. Plus d'une fois failli rester. Ma side bitch a plus de fans que moi sur Instagram. Mahlel elle, mais même pas sur FP. Verbe tuer, première personne du singulier. Présente l'indicatif, regard vindicatif. Antipathique et tenace à l'instar des syndicalistes. Fini l'apprentissage et le visage d'un finaliste. Changé en démon alors que j'étais sage en l'an 2000. Oublie tout ce que j'ai fait avant, ce n'était qu'un stage en entreprise. Et jouer, je peux pas me permettre. Les types m'écoutent, fais cogiter leur paternel. J'investis moi-même, balise pas que ceux qui haïssent aillent coïter leur maternelle. Je le fais en année avec mes gros de renom. Nique le quintet, je ne vise que sur mon propre nom. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les mollets. Alcool et weed, mais on n'a pas de poudre. Trois grammes dans le sang, trois dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne regrettera de l'avoir attendu. J'fais rimer la langue de Molière. Des trous dans les poches et dans les mollets. Alcool et weed, mais on n'a pas de poudre. Trois grammes dans le sang, trois dans le backwood. J'fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne regrettera de l'avoir attendu. Planète Rap 100% rap français. Cool chaîne Nino. Mazik, cool chaîne Nino. Classique. Le rap enfanté, beaucoup de ratés. Puriste commence à se gratter. Niveau son, on n'a pas été gâté. De l'or donné à des porcs en pâture. Lyrics immatures, sont ces fortes et coups pleines sont pas dignes de mes ratures. Si je Mozart, toi t'es Cléderman. Pas le copie, un remake plein de chimiques. Mais je tape comme un Kleenex. Touche pas à ma zig, elle est déjà maculée. De sang, les classiques du hip-hop se sont tous fait éjaculer. Dans le rap est ankylosé. Plein d'équimoses, dyslexique. Qui sait plus causer, c'est qu'il pose, c'est sexy. Cache ton nombril, on voit tes seins. C'est indécent, ravis-toi que je te ramène sur le chemin de la victoire. Ne me respecte pas pour mon âge ni pour ce que j'ai fait. Plutôt pour mon art et pour ce que je vais te faire. On me jugera que sur les faits. Au-dessus de mon berceau, les fées se sont penchées l'une et reparties balafrées. L'autre la gorge tranchée. On fabrique des classiques. Un concert reste classique. Je rappe, j'entends tous ces flots tomber du camion. La carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Intemporel, Mazik. Elle traverse les âges, Mazik. Je rappe, j'entends tous ces flots tomber du camion. La carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Je vais niquer la prod, le son se cambre vite. Suicide commercial, une dans le barrier, cinq chambres vides. A chaque jour sa boîte, cadeau au cercueil, c'est de ma faute, il raboite. La bête commence à prendre vie, le business je recueille. J'entends tous ces flots tomber du camion. La vie ça tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Je porte l'or comme tout en camon, je reviens leur tenir tête. Pensons à Sleepy Hollow, transsexuel sans queue ni tête. Avec le rap après pour le divorce, fait dans l'adultère. Je suis Achille en Air Max ou pas dans la bulle d'air. Nerveux comme quand y'a plus d'air. Un truc ou deux me hante. Naître et mourir, on essaye de faire un truc ou deux entre. Les anges volent en azmoth, confondent le ciel et le sol. Sur le beach, mange des rêves qui meurent loin de la Costa del Sol. T'as pas de chance, si je touche du bois, c'est que j'ai saisi la boîte. Mes mots prennent tous du poids, ça intéresse la pâte. La pâte. On fabrique des classiques. La concert respecte ma zique. Je rappe, j'entends tous ces flots tomber du camion. La carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Intemporel, Mazik. Elle traverse les âges, Mazik. Je rappe et j'entends tous ces flots tomber du camion. La carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. J'ai construit l'édifice avec mes mains. Toi avec les artifices du démon, on a des témoins. Moi si je suis le plus, tu sais tellement. Tellement tellement t'es loin, tu manques d'élan. Tes mains tremblent et quand t'écris ton style en témoigne. Je suis pas le prophète, j'suis du genre le type autiste au texte. Conscient, confiant, vu le contexte, cool chaîne Lino. Sur le fil du rasoir en bino. Mon copilote, la destinée du hip-hop en slalom entre les pilos. Arme de première catégorie, trou ton arme. Seconde zone, un track sans thème. C'est du porno sans scénar, c'est du gonzo. J'démarche, m'éloigne ton game qui chiale comme les grandes eaux. Les marques qui sont sur la scène du crime. Derrière les bandes jaunes, pour voir un thug atteindre le nirvana, je vais saisir l'aubaine. J'irai venger Tupac avec le fusil de Kurt Cobain. J'fais des métaphores à emporter, étudie la technique. T'es pas de la race des vaillants, j'fais un nettoyage ethnique. on fabrique des classiques. Classique. Un concert respecte ma zik. Je rappe, j'entends tous ces flots tomber du camion. Ta carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Intemporel, ma zik. Elle traverse les âges, ma zik. Je rappe, j'entends tous ces flots tomber du camion. Ta carrière tient à rien, ça je l'ai appris de la bouche d'un canon. Canon. Français, planète rap. La nocturne. Molo Polo Babé. Beaucoup de cœurs se mettent à battre, mais très peu se mettent à vibrer. Moi je vois beaucoup d'humains, mais je vois très peu d'humanité. Saisi, ben oui. Et si tu devais sauver un de tes frères, que dirais-tu aux autres la vérité? Et puis comment savoir si tu sauves vraiment celui qui l'a mérité? Ok, tiens, ok, no. Bouches sont en éveil véridique, mais tu sais que no. Murs ont des oreilles, les myopes ont des yeux dans le dos. Incarcéré loin de nos proches qui n'a jamais fait de faute. Aucun ghostbuster fait fuir le parloir fantôme. J'escaladerai Babel pour pacifier nos ghettos. Parmi les frères, y'a toujours un traître dans l'eau. Oh, no, mollo. L'eau, parmi les chétagnes, y'a peut-être un ange dans l'eau. Tiers monde africain, rappeur ingrat que je suis. Je veux écrire un album de paix, le cœur chargé comme un fusil. J'ai fait le tour du monde, je n'ai jamais trouvé ce que je suis. Étranger en Normandie, étranger en Saoudi. Molo bolo si mon ego me fuit, je deviens hors de portée dans mes faces. Aujourd'hui on se monte dessus, au lieu de se supporter on s'écrase. Gamin, c'est dans mon art, contenteur, ils nous montent les uns contre les autres comme le public de rap. Contenders, tu es libre de croire que tu es bête, ou tu es bête de croire que tu es libre. Check, tu veux cacher un truc à un mec de Tess. Comme Alpeco, je vais le mettre dans un livre. Dites aux autorités que je comprends pas leurs propos. Serais-je dans le futur si j'ai un portrait robot? Je sauterai pas dans le vide, vide sans mes poteaux. Je pourrais m'ouvrir le bide si on me dit que j'ai un bon fond. La malédiction de Babel arrive sur le terre, terre aride, des adversaires avides. Je pense aux sœurs qui se comportaient comme des mères gamines. Nos soldats d'aide, que la terre leur soit légère, amine. Et dans Babel, à chaque étage, on accueille la réussite des autres comme on accueillerait une prise d'otage. C'est pas du rap pour tout âge, ils sortent des albums bateaux, sortent des albums bateaux d'esclaves. On est tous à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On étouffe, on étouffe, on est tous à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On empile les étages, on écrase ce qu'il y a en dessous. La peine, la haine, la guerre, Babel. On étouffe, on est tous à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On empile les étages, on écrase ce qu'il y a en dessous. La peine, la haine, la guerre, Babel. On étouffe, on étouffe, on est tous à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On empile les étages, on écrase ce qu'il y a en dessous. La peine, la haine, la guerre, Babel. On étouffe, on étouffe, on est tous à genoux. On recherche des fautifs, mais je sais que ça vient de nous. On empile les étages, on écrase ce qu'il y a en dessous. La paix, la haine, la guerre. 100% rap français, planète rap. La nocturne. J'ai mis mon masque de holo, ressenti le terrain qui tremble. On peut pas plaire à tout le monde, j'ai jamais dû faire semblant. Mes dorsaux pleins de cicatrices ont taillé sur mes jambes. Votre game infesté de jambon, y'a plus de jambes. Je mets la gomme d'emblée, le t-shirt enlevé. Dans la zone danger, crochet gauche à linger. Règle bien ma voix, tu crois j'gollerie. Ne me mélangez hop dans vos trappes et vos conneries. Coup de ceinture vite dans mon flingue dans un buisson. T'as l'impression que j'étais distant, mais désolé fils, ton diff est dispo. Ready pour la war, j'te laisse croire que tu maîtrises trop. J't'avais dit que t'allais voir un grand noir, balèze sans tricot. Au-delà de la boîte, annonce des surf et du lol. Tu trouves un homme qui vient d'école où faut dépasser les bords. Pour ça que j'ai toujours poussé le délire. Commencez pas à me vénère quand votre truc devient pénible. Fais un petit saut dans les ténèbres. Mon passager a pris le pas. Tu me parasites, tu fais le gars. Yolo kick, crochet, low kick. J'te clash avec une clé de bras. S'agit pas de ça, frère. Il s'agit pas de ça. Des buzz aux cartons, blagues et les fans. Il s'agit pas de ça. Vois-tu ce gouffre qui nous sépare. Toujours un côté hardcore. J'ai 34 piges, j'rappe comme si je traîne encore un Jekar. Mais combien comprennent ma zik. Un cul pour la plupart. Quand ce rap game était magique, c'était tous encore des têtards. Obligé d'aller plus loin, donc faut que la poêle copie. Original, croquis, tu le volume 3 des Rocky. Pensée différente et viscérale comme Boy Toddy. J'ai jamais eu peur de choquer. C'est sans bicraft de Loki que je représente mon route. Mes boucles m'ont fait exister. Aujourd'hui, blacklisté, vite fait, mais je vais les fister. J'ai en moi gravé le bitume. Un enfant de la Zikmu, un enfoiré de geek, un abattu des vécus. Excuse-moi si je reste cru, mais le rap n'existe plus. Du moins celui où c'était vrai, où tu rappes, man, on te tue. Ne m'entraîne pas dans la chute, mets une rafale dans vos culs. Qu'est-ce que vous avez cru, on vous valide pas dans ma rue. Négro, j'ai traversé le désert, des bastos dans les viscères. Un game rempli d'imposteurs, des jalousies de vice. J'ai travaillé mes pisseurs, j'ai arraché la ficelle. La dixième bastos qui aurait canardé 50 cents. Au nom du game, au nom du hip-hop, au nom de la qualité. Les vrais boucs qu'il faut valider, la street zère et organiser. Les classiques au banalisé, réaliser les bails, réagissez, analyser. Ah, plus rien à foutre, rap torse nu. Hall Quinré, rap torse nu dans la nocturne 100% rap français. À venir un son du squad Empire qui se prépare. L'Erco, ça nous vient du 02 de Saint-Quentin. Planète rap. 100% rap français. C'est de la violence et ma veuve ne frappe à la tête. Ne frappe à la tête. Depuis grave chose qu'elle dit, tu peux qu'avancer pas la peine. Avancer pas la peine. Je peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête. Si t'as pas dosé, tu m'appelles pas, non c'est pas la peine. J'ai vu l'avenir dans le dos, la nuit qui est midi. Trop loin pour eux, j'ai ma tête, veulent m'éliminer. Je peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête. J'ai vu l'avenir dans le dos, la nique et minage, la nique et minage, la nique et minage. J'rappe mieux que toi, même quand tu es complètement bourré. Bla bla bla, clic clic, motherfucker maintenant couré. T'as vu qu'on était cool, t'as voulu fuck, mais tu t'es gouré. T'as trop pété ton boule, maintenant tout le monde veut te fourrer. Si t'as pas la monnaie, mon est photo, moi j'te connais pas. Si on se croise au comico, on live là et moi tu me connais pas. Là et moi tu me connais pas. Ton rap va démarrer musicalement, tu vas clapser. Tu vas clapser. Tu vas clapser. T'es même pas connu dans ta ville, tu parles comme tu t'avais percé. Tu t'avais percé. Tu t'avais percé. Mon shit c'est de la violence et ma veuve me frappe à la tête. Me frappe à la tête. Depuis grave chose qu'elle dit, tu peux qu'avancer, pas la paix. Avancer, pas la paix. J'peux mourir demain, comment veux-tu que j'me prenne la tête. Si t'as pas dosé, tu m'appelles pas, non c'est pas la peine. Non, non c'est pas la peine. J'ai vu l'avenir dans le dos, la nique est minée. La nique est minée. Trop loin pour eux, j'ai ma tête, veulent m'éliminer. Ils veulent m'éliminer. J'peux mourir demain, comment veux-tu que j'me prenne la tête. J'me prenne la tête. J'ai vu l'avenir dans le dos, la nique est minée. La nique est minée. Ils ont écouté mes couplets, ils ont fait le grand écart. Ils font les restats mais sont toujours à la case départ. Suffit d'écouter leur son pour que je me tape des barres. J'ai dégainé mon clip, rien que ça part. Pas le temps pour tes bêtises, t'auras fait tes projets tout pourris. Quand le gorille n'est pas là, c'est là qu'on va danser les souris. Arrête de faire le fou, juste à rafaler ton euphorie. Quand t'es mort dans le générique et tu veux me raconter la story. grave chose qu'elle dit. Tu manques avant, c'est pas la peine. Je peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête? Si t'as pas d'oseille, tu m'appelles pas, non, c'est pas la peine. L'avenir dans le boulot, la vie qui est minée. Sur Skyrock. C'est des bâtards. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alonso à l'instant. Oh my god. À venir, dernier arrêt avec Dadju des Shinsekai. Shinsekai qui débarque dès lundi 20-21 dans Planète Rap. À bout de Bang aussi et Lefa sur l'album de Lefa. Dernier arrêt, ça arrive. Un petit son de l'artiste et un classique pour finir cette nocturne. Ouais, voiture bloque. Tu finis en cloque. Et j'allume ma clope. J'ai sali ta robe. Oh my god. Oh my god. Dernier des derniers, donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. Quitte-la. C'est la fin de ta carrière. Descends. Dernier arrêt. Dernier des derniers, donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. Quitte-la. C'est la fin de ta carrière. Arrête un peu de panique et respire. Prends ta place sans dire merci. Fais-nous voir ce que tu vaux. Montre-nous ce que tu proposes. Ou descends. Descends. Descends. Descends. Dernier arrêt, donc descends. Descends. Descends. Quitte-la. Tu c'est le mono, c'est la baignance. Enchanté, je suis de bonne humeur. Ce soir, j'ai pas le temps pour les rumeurs. Tu m'analyses depuis une heure. Pourquoi tu te fiches, faut pas que t'aies peur. J'ai le dernier feu, les dernières sapes. En vérité, je suis le dernier gars. On me voit casser le dernier pas. Regarde-moi, c'était ta dernière fois. Sans dire merci, fais-nous voir ce que tu vaux. Montre-nous ce que tu proposes. Ou descends, descends, descends, descends, descends. Tes derniers arrêts, donc descends, descends, descends. Tu ne peux pas tenir. Dernier arrêt, le dernier. Si tu n'es pas prêt pour ça, descends. Dernier arrêt, le dernier des derniers. Tu n'es pas prêt pour ça, descends. Dernier arrêt, le dernier. Si tu n'es pas prêt pour ça, descends. Dernier arrêt, le dernier des derniers. Tu n'es pas prêt pour ça, descends. Organisé, on est organisé. Casalisé, chemisier, oui la coupe est égalisée. Oui monsieur, petit pas synchronisé. Petit pas sans s'alcooliser. Petit pas, tout en douceur comme si c'était légalisé. Dernier arrêt, dernier des derniers, donc fais pas d'erreur. Si tu n'es pas prêt, ressors par derrière. Hitler, petit pas, dernier arrêt. T'es pas prêt pour ça, descends. Dernier des derniers. Petit pas, petit pas. Dernier des derniers des derniers. Petit pas, petit pas. Dernier des derniers. Nous on est des derniers. Petit pas, petit pas. Nous on est gros. Dernier des derniers. Si t'es pas prêt pour ça, descends. Rap. 100% rap, rap français. Mas

car c'est les soldats qu'ils portent et non plus le vin. Comme si le monde était rempli de cruels sultans, mécontent des schémas qu'on nous propose. Je cultive maintenant les roses dans mon microcosme, mesure les dégâts minimes que mon microcosme. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. Et c'est la fin de la nocturne à l'instant avec le son d'Ayam, la fin de leur monde sur Skyrock. Prochaine nocturne dans une semaine, vendredi prochain, juste après la radio libre de Difool. La semaine prochaine, loupez pas le Planète Rap avec les Shinsekai qui débarquent avec leur album à découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock Planète Rap. Spécial Shinsekai, passez une bonne soirée, une bonne nuit. C'est reparti pour le son de Skyrock, rap, R&B en non-stop. Ciao. Skyrock Radio Station. Rap, rap, rap and R&B. Non-stop. Skyrock.